Yo, c'est Don Silver. Yo, do the master. Tu dis bois, tu dis bois, tu sais. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres sols. On est sans complexe, tant pis si t'es mec. Yo, comme d'hab, un son massif qui fait la diff. Rien n'est fait au pif. Écoute cette merde, ça fait bang. C'est expéditif, dream team, B-Wax, Doudou, Masta et Don. C'est son membre dans ta gauve ou dans les clubs. Tu sais que ça sonne, ça chauffe comme le mercure. T'as une valeur sûre qui a de l'envergure. Bouge ton cul de bébé, c'est du pop pur. J'viens de Vitry sur scène et donc c'est là-bas que j'traîne. Zeb, champagne et sexe comme une soirée jamaïcaine. J'te donne ce que t'aimes car tu aimes ce que j'sème. C'est la crème des crèmes, enfoiré, investi, y'a pas de blême. Je n'ai que tout comme Bruce Willis. T'as vu fils, contrôle cette merde. Et y'a que du vrai dans mon édifice. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres seules. On est sans complexe, tant pis si t'es bête. Et dans le ghetto, un truc à faire des saltos. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres seules. On est sans complexe, tant pis si t'es bête. Et dans le ghetto, un truc à faire des saltos. Dans la place pour te montrer comment ça se passe. Sur un son pire qu'efficace, là une combinaison qui fracasse. Dans ta rue ou dans les soirées, ça te froisse. Ça perturbe ou hypnotise, bouleverse la population en masse. Mets des boomers, y'a de la basse. On se croit rappeur, je casse des bouches. Fais bouger les meufs sans tacler comme les tibans ou même l'arnouche. Louche, laisse, on prend le contrôle. Sur tous les pôles, le monopole. Sans avoir à changer notre fusil d'épaule. Shot, gun, shot pour les potes. Pop, pop, pop, pop. Gal au top, big up non-stop. Sully, B-Wax, Nox, Shostom, Doudou, Masta. Ouais c'est bon comme la Haya. Bon même si tu fumes pas, même si tu bois pas. T'entends pas que c'est lourd ça, c'est lourd ça. Même les sourds vont l'entendre à leur tour ça, à leur tour ça. Ça coupe comme un coute là, écoute là. Bon, de goutte en goutte, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y, goûte là. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue, ou bien les terres sols. On est sans complexe, tant pis si t'es mec. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres seules. On est sans complexe, tant pis si t'es mec. C'est Sully B-Wax, gros, t'as l'air surpris, bouffon. T'es nouveau dans le truc, j'rappe aussi, bouffon. Les beats, c'est mon taf, j'kick pour la forme. J'ai un pur style, comme d'hab, c'est hors norme. Doudou Masta, Sully B-Wax, c'est done, c'est du bon. Quand je suis à la prod, souvent ça sonne. On fait du hip-hop, tous les watts au top. Cette nuit, c'est nos copes, Cuba libre et non-stop. C'est pour les go, les fans, les b-boys, les vrais. Ceux qui transpirent le hip-hop qui savent ce que c'est. Yo, on serait aux States, ça serait un putain de hit, messieurs. Yo, à New York, je serais aussi blindé que messieurs. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres sols. On est sans complexe, tant pis si t'es bête. Et dans le ghetto, un truc à faire des saltos. On garde le contrôle, on a le meilleur rôle. Ce soit dans la rue ou bien les terres sols. On est sans complexe, tant pis si t'es bête. Et dans le ghetto, un truc à faire des saltos. Mmh.